Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On a rencontré Marianne Saint-Gelais samedi lors de la fête organisée par la ville de Saint-Félicien pour honorer ses athlètes olympiques. Donc on écoute cette entrevue. Parler depuis les Jeux olympiques, Marianne Saint-Gelais est avec nous. Salut Marianne. Salut. De retour à ton patelin, Marianne. Quel accueil aujourd'hui. Une belle journée. Une belle journée, écoute, ça va vraiment, je trouve que c'est vraiment représentatif de la région, de qu'est-ce qu'ils m'ont donné tout le long de ma carrière, super accueil avec les jeunes de Combini, tout ça, une activité physique, ça rejoint aussi nos valeurs, fait que, non, pour l'instant, très très beau début de journée. Marianne, si on parlait un peu, comment tu trouves maintenant de ne pas recommencer l'entraînement? Ça nous fait bizarre un peu, hein? Ben oui, c'est difficile. La pré-carrière, prendre sa retraite, ça vient avec, avec tout plein de choses, dont le fait de ne plus avoir de routine. L'entraînement, ça me manque, mais pas de bouger, mais plus d'être avec mes filles, le quotidien. Je trouve ça difficile pour ça. Fait que il faut que je me retrouve une nouvelle gang, je me retrouve une nouvelle routine. Mais en même temps, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de prendre de la hauteur sur tout ça. Fait que c'est comme un gros mix de plein d'émotions. Mais je suis bien entourée, la famille est là, je garde contact avec certaines filles aussi. Fait que ça fait que la transition est moins difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, moi, je te vois à la télévision, c'est une question polichinelle, mais vas-tu t'impliquer encore auprès du patinage de vitesse? J'aimerais ça, avoir un rôle avec le patinage de vitesse Canada. Je sais pas encore comment ça va se concrétiser, mais peut-être un rôle de mentorat avec certaines filles, garder un peu mon pied aussi. Je vais donner mon temps bénévolat, c'est certain, parce que le sport me passionne, puis je sais qu'il y a un besoin aussi de ce côté-là. Les médias m'intéressent. J'ai eu la chance d'avoir un pied dans les médias pendant presque tout le long de ma carrière. À savoir si je vais être devant la caméra, ça reste à déterminer. Mais, c'est sûr, ça. Mais clairement que j'haïs pas ça, mais j'aime surtout le fait d'être entourée, de partager les choses, de communiquer. Puis ça, ben, je pense que ça peut se traduire à l'extérieur de la télé. Ariane, en terminant ta carrière, ton plus beau moment, c'est Vancouver, hein? Clairement que Vancouver, ça va rester un très beau moment. Le fait d'avoir remporté ma première médaille olympique chez nous à la maison en sol canadien, la journée de ma fête, je pense que c'est impossible à égaler là, en termes de surprise. En même temps, je n'étais pas attendue à ces jeux-là non plus, mais j'ai eu plusieurs beaux moments. Puis tous les moments que j'ai vécu en relais avec mes filles vont rester uniques. Je me rappelle pratiquement de tous les relais qu'on a fait, puis c'est pas nécessairement le cas de mes courses individuelles. Fait que le relais, c'est une grosse partie de ma carrière. Pyeongchang, un petit peu décevant, par exemple? Décevant, côté résultat, c'est certain. Mais en même temps, j'ai rien à me reprocher. Si je peux réécrire l'histoire, je l'écris exactement de la même façon en termes de préparation. C'est sûr que c'est difficile à gérer côté résultat. Mais en même temps, je sors la tête haute parce que j'ai vécu vraiment des belles choses. Puis grâce à des filles comme Kim, des garçons comme Sam, le relais individuel, le relais que les garçons ont fait, je ressors des jeux avec une super expérience, puis je suis fière de ce que l'équipe a accompli. Marianne, bravo, félicitations pour ta carrière, on va voir le quand tu vas parler. Ben, c'est vraiment gentil, Marianne, merci. Marianne Saint-Gelais.